France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Comment se fabriquent les souvenirs? Nous en discutons en écho au thème des souvenirs décliné sur France Culture en cette semaine de Noël. Ce matin, Nietzsche et l'oubli. Est vital. Nous ne pouvons pas tout garder en nous, tout retenir. L'hypermnésie est d'ailleurs une souffrance creusée par plusieurs écrivains, dont Borges, dans une nouvelle intitulée Funès ou la mémoire, l'histoire d'un homme qui ne peut pas dormir tant il est assailli par tout ce qu'il a vécu. L'oubli est donc inhérent au fait de digérer le passé. C'est en ces termes exactement qu'en parle Nietzsche. Et la métaphore de la digestion est très suggestive. Elle intéresse beaucoup la psychanalyse anglaise dans le sillage de Melanie Klein et tout particulièrement Wilfred Bion. L'indigestion, pour le psychisme humain, cela existe. C'est même peut-être une des formes de la psychose, nous explique Bion. Mais si Nietzsche valorise l'oubli, il reste à savoir si tout oubli est fécond et positif. Et si parfois, pour mieux digérer le passé, il ne faut pas précisément s'en ressouvenir, le travailler, l'élaborer enfin pour qu'il cesse de nous encombrer depuis l'imposante armoire des supposés oublis. Pour en parler, j'accueille Céline Denat. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'Université de Reims et spécialiste de Nietzsche. Avec nous aussi Yanis Constantidinès, philosophe, professeur d'humanité moderne à l'école Boulle, des métiers d'art et du design, et lui aussi fin connaisseur de Nietzsche. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonjour Patrick de Clercq. Bonjour. Vous êtes anthropologue et psychanalyste, même si désormais c'est à l'écriture que vous consacrez votre vie depuis le succès extraordinaire de votre ouvrage Les Naufragés, avec les Clochards de Paris, paru en 2001 chez Plon. Vous êtes un ancien membre de la Société psychanalytique de Paris et puis amoureux de Nietzsche, si j'ose dire, que vous dévorez depuis des décennies. Vous aimez les citations, Howard? Comment ça? Vous savez, des phrases généralement connues, ça vous ouvre l'esprit de plonger là-dedans. Et parmi celles que j'ai lues, ça ne m'étonnerait pas que certaines vous plaisent aussi. Oui, je serais ravi de les entendre. Il y en a une, c'est « Heureux les oublieux, car ils viendront également à bout de leurs bêtises ». C'est de Nietzsche, ça, non ? France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et oui, c'est de Nietzsche. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film de 2004 de Michel Gondry qui, à sa façon, traite de l'oubli, puisque un homme demande à un guérisseur d'extirper de sa mémoire tout ce qu'il rattache à sa compagne afin de rompre cette relation. Mais là, c'est un autre extrait, sur un autre sujet, un autre personnage qui évoque donc la vertu de l'oubli selon Nietzsche. Alors, Nietzsche a souvent traité de ce thème de l'oubli. Nous évoquerons les différentes étapes, mais pour commencer, Cécile Denat, replaçons la question d'oubli dans sa conceptualité générale. L'oubli, est-ce chez Nietzsche le contraire du ressentiment? Alors, oui, pour une part, dans la mesure où celui qui éprouve du ressentiment, c'est celui qui n'est pas capable d'oublier les mots qui lui ont été faits, ou du moins dont il estime qu'ils lui ont été faits, et qui rumine et qui remâche en quelque sorte indéfiniment ce sentiment de vengeance, en quelque sorte, que Nietzsche appelle ressentiment. Il est dans une position que Nietzsche qualifie de réactive, précisément parce qu'il n'est pas capable, alors, soit d'oublier, soit du moins de faire en sorte de d'intégrer, d'assimiler, de faire sien ce qui lui est d'abord étranger et opposé. Ce qui veut dire que l'oubli peut sans doute prendre deux types de formes en réalité, à savoir une capacité de rejeter et de mettre de côté ce que l'on a vécu, ou certains éléments de son expérience, mais il peut aussi s'entendre comme capacité de s'assimiler les choses de telle sorte qu'il n'y ait plus de mémoire consciente de tel ou tel événement, de tel ou tel élément, ce qui n'implique pas qu'il y ait, aux yeux de Nietzsche, une forme de mémoire qu'on pourrait qualifier de corporelle, d'inconsciente, on va revenir là-dessus, mais qui n'impliquerait plus effectivement cette tendance à ruminer indéfiniment au niveau de la conscience les choses qu'on a vécues, dont on a souffert, etc., etc. Alors c'est très intéressant que vous disiez ruminer, parce qu'en même temps, on a l'impression que chez l'homme du ressentiment, il n'y a pas de digestion. Alors que normalement, la rumination, c'est bien à ça qu'elle sert chez les ruminants. Yanis Constantinides. Donc en fait, ce serait peut-être même impropre de dire ruminer, si ce n'est métaphoriquement. L'homme du ressentiment a quelque chose sur l'estomac, qu'il n'évacue pas et qu'il ne digère pas. Voilà, il n'en finit jamais avec rien. Nietzsche emploie le terme de dyspeptique, quelqu'un qui a du mal à digérer justement, dont tout remonte sans arrêt, voilà. Et il y a cette image de la plaie purulente hein, dans la généalogie de la morale que l'on va rouvrir, que l'on va gratter, pour se faire du mal précisément, au lieu de laisser guérir finalement, au lieu d'oublier. On revient sans arrêt sur cette blessure. Patrick Declercq, vous êtes un lecteur de Nietzsche. Je crois que l'homme du ressentiment, c'est votre adversaire de toujours. Je me trompe dans votre vie. C'est celui qui veut se venger dans l'au-delà. C'est comme Nietzsche, vous n'aimez pas cela. Vous pensez que c'est ce qu'il y a de le pire dans l'homme, non ? Je pense que ce qui est le pire dans l'homme dépasserait de très loin le temps de cette émission, par ordre alphabétique. Je suis en fait mal à l'aise vis-à-vis de la question de l'oubli. Et là, je parle en tant qu'analyste praticien, je parle de ma pratique. Même si je ne consulte plus depuis des années. Le problème de l'oubli, c'est que Freud le dit, il va le répéter. Il le répète jusqu'à malaise dans la civilisation. L'oubli, en quelque sorte, d'un point de vue psychanalytique, n'existe pas. Ou en tout cas, il y a une profonde méfiance. Je peux oublier où est-ce que j'ai mis ma tasse de thé ce matin pour me servir mon thé, plus ou moins sur cette table ou sur une autre table, ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, qu'est-ce qu'il en est de l'enfance ? Qu'est-ce qu'il en est des traumatismes ? Des traumatismes qui reviennent, alors qu'ils ne sont pas oubliés, qui s'imposent effectivement de façon extrêmement douloureuse, mais qui ne sont pas traités non plus. Alors quand on parle de digestion, ou de ruminer, par analogie, on a toujours la même chose dans la bouche, en quelque sorte. En tout cas, si on la digère pas. Oui. En tout cas, si on la digère pas. Mais digérer, ça ne veut pas dire non plus éliminer. C'est-à-dire, c'est pas l'oubli, c'est faire autre chose avec cette affaire. Et c'est là que la possibilité d'analyse ou d'évolution heureuse du traumatisme joue. Est-ce que vous voulez dire que peut-être le mot oublié polysémique chez Nietzsche, en son sens positif, c'est l'oubli positif qui vient de la digestion. On a absorbé quelque chose. On a élaboré. Oui, mais on l'a. Mais il y a un sens négatif. Mais il reste là. Il reste là. On en a fait autre chose. Je me méfie de Nietzsche sur ce sujet spécifique. D'accord. Parce que je pense qu'il y a quelque chose chez lui qui se. Je relisais, sachant que ceci allait se passer. Je relisais une bonne partie de Nietzsche la semaine dernière. Dont Zarathoustra et où il est presque pseudo-christique en quelque sorte, et je me disais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il y a quelque chose d'un malaise chez lui profond vis-à-vis de son enfance, vis-à-vis de qui il est en permanence. Sa photo avec un sabre, etc., alors qu'il est complètement myope, enfin tout ça ridicule, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Qu'est-ce qu'il essaye de justifier vis-à-vis de lui-même quand il semble faire l'apologie de l'oubli ? Peut-être que de son enfance, de son quoi ? Il y a une force, n'est-ce pas, Yanis Constantinides, de l'oubli. C'est l'expression qu'il emploie, la force de l'oubli, dans la généalogie de la morale que vous avez citée en 1887. Mais cette force, peut-être tout simplement, pour répondre à Patrick Declercq, qu'il n'est pas sûr, Nietzsche lui-même, d'en être capable. Ou alors il la force un peu. Forcer la force, vous voyez, avec ce que ça a pour un psychanalyste d'extrêmement suspect. Alors moi, je défendrai un peu Nietzsche là-dessus, parce qu'effectivement, il y a l'oubli involontaire. Enfin, je pense qu'il faut faire cette distinction-là. L'oubli involontaire, ce qui nous échappe, hein, ce qu'on retient pas. Voilà. Et puis l'oubli actif. Hein, Gégé de la morale insiste là-dessus. L'oubli n'est pas une vis inertiae, n'est pas une faculté inerte, mais une faculté active où on veut oublier. Et moi, j'ai justement cette volonté d'oubli. C'est ce que Nietzsche appellera, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire que nous sommes, que nous le veuillons ou non, des héritiers du passé. Et la question, c'est que faisons-nous de cet héritage-là? Est-ce qu'il nous pèse, cet héritage, comme dans la deuxième considération actuelle, est-ce qu'il nous écrase, ce passé? Ou bien est-ce qu'on peut le dépasser, voilà, dépasser le passé sans le renier? C'est-à-dire que Nietzsche dit, nous sommes les héritiers de tout ce qui s'est fait dans la moralité jusque-là, donc y compris du christianisme. À partir de là, soit ça nous traumatise, soit ça nous tourmente, soit nous allons au-delà. Mais nous n'allons pas effectivement évacuer cette partie-là, vous avez raison, nous la digérons. Alors, il y a autre chose qui est difficile et ambiguë chez Nietzsche, c'est que, en fait, pour bien oublier, digérer, dépasser, interpréter, réélaborer, digérer, il faut d'abord être affecté. Ne pas fuir le réel, ne pas mettre les grilles et les écrans typiques de l'homme du ressentiment, n'est-ce pas, Cécile Denat ? Être affecté, c'est ça qui est paradoxal. Plus on sera affecté, plus on élaborera et on dessinera un avenir. Oui, c'est bien pour ça, vous avez tout à fait raison, que le type d'oubli, à mon sens, que Nietzsche valorise le plus nettement, ça n'est pas le type d'oubli qui impliquerait de nier, de se détourner, de faire le choix de l'ignorance, hein, si j'ose dire, à l'égard de certains aspects du réel ou de notre expérience personnelle ou de notre histoire culturelle. Et j'ajouterais une chose pour aller dans le sens de Yanis Constantinides et pour une part aussi de Philippe de Clercq. En fait, quand Nietzsche évoque la question de la force d'oublier qui est présente et dans la généalogie de la morale et en fait dès la deuxième inactuelle, c'est une notion qui va de pair avec ce qu'il appelle, alors une formule un peu difficile à comprendre au premier abord, avec ce qu'il appelle la force plastique. En fait, celui qui a la force d'oublier, c'est aussi celui qui est doué d'un haut degré de force plastique, et c'est une notion en fait qui renvoie exactement à cette idée de parvenir à faire sien, parvenir à s'approprier, quitte à le transformer, hein, dans le moment où on se l'approprie. Mais le passivement, il y a une idée de passif, en tout cas de pathos. Ce qui dans un premier temps est probablement subi, effectivement, je subis mon passé, je ne l'ai pas choisi, je subis l'histoire de mes ancêtres, je ne l'ai pas choisi. Mais ce qui dans un premier temps est subi est susceptible, dans le cas de ceux que Nietzsche désigne comme les hommes les plus saints ou les plus puissants, suivant le type de formule qu'il affectionne, ce sont aussi des hommes qui, du fait de ce haut degré de force plastique, peuvent transformer, s'approprier, digérer ce qui d'abord pouvait effectivement les affecter de façon douloureuse ou désagréable. Alors peut-être que Nietzsche n'y arrive pas lui-même, c'est l'hypothèse, je crois, de Patrick de Clercq, et c'est très très excitant. Mais enfin, ce qu'il dit à titre d'idéal, n'est pas inintéressant. Essayer d'être vraiment traversé par le réel au lieu de s'en protéger. Il dit d'ailleurs que la volonté de puissance n'est pas un être ni un devenir, mais c'est un pathos. C'est une capacité à être affecté, y compris à souffrir, sans la protection typique des faibles, pour parler comme lui. C'est seulement comme cela qu'on élaborera ce qui nous arrive et qu'on fabriquera le bon oubli, pas l'oubli déni, pas l'oubli qui range dans l'armoire ou qui met la poussière sous le tapis. C'est ça, Yanis Constantinides ? Oui, c'est exactement ça. Il y a un texte d'Ecce Homo où il distingue celui qui est foncièrement sain, donc il parle de lui aussi, de celui qui est typiquement morbide, et justement les réactions par rapport à la blessure, par rapport à l'offense faite. Et l'oubli, la volonté de puissance interprète, comme dit Nietzsche, effectivement, c'est-à-dire on est affecté par la réalité, vous avez raison, on est profondément affecté par la réalité, on accueille cela plutôt que de s'en détourner. Alors on va revenir à ce que ça donne sur le divan d'un psychanalyste, vous inquiétez pas, Patrick de Clercq, et peut-être faut-il inciter des patients à se ressouvenir pour être réaffectés pour de bon et réélaborer pour lutter contre les faux oublis ou les mauvais oublis, vous nous expliquerez cela, mais je voudrais maintenant revenir à un texte de 1874, antérieur donc à la généalogie de la morale, texte de Nietzsche, la deuxième considération inactuelle. Car c'est paradoxal, mais Nietzsche donne l'impression qu'il nous faut envier les animaux, les troupeaux, parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Alors c'est bizarre parce que normalement les troupeaux c'est souvent des ruminants. Mais là, c'est autrement qu'il fait jouer la métaphore. Et il dit que l'homme, avec le poids de sa mémoire et de son passé, de temps en temps, aimerait bien être un animal qui non seulement oublie, mais oublie qu'il a oublié. On écoute. Observe le troupeau qui paît sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier ni aujourd'hui. Il gambade, broute, se repose, digère, gambade à nouveau. Et ainsi, du matin au soir et jour après jour, étroitement attaché par son plaisir et son déplaisir au piquet de l'instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie ni dégoût. C'est là un spectacle éprouvant pour l'homme, qui regarde, lui, l'animal du haut de son humanité. Mais en vit néanmoins son bonheur, car il ne désire rien d'autre que cela, vivre comme un animal, sans dégoût ni souffrance. Mais il le désire en vain, car il ne le désire pas comme l'animal. L'homme demanda peut-être un jour à l'animal « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur? Pourquoi restes-tu là à me regarder ?» L'animal voulut répondre et lui dire « Cela vient de ce que j'oublie immédiatement de ce que je voulais dire. » Mais il oublia aussi cette réponse et resta muet. Et l'homme de s'étonner. Mais il s'étonne aussi de lui-même, de ne pouvoir apprendre l'oubli et de toujours rester prisonnier du passé. Aussi loin, aussi vite qu'il court, sa chaîne court avec lui. L'homme s'arc-boute contre la charge toujours plus écrasante du passé, qui le jette à terre ou le couche sur le flanc, qui entrave sa marche comme un obscur et invisible fardeau. Mais il s'émeut, comme au souvenir d'un paradis perdu. En voyant le troupeau à la pâture, ou bien, plus proche et plus familier, l'enfant, qui n'a pas encore un passé à nier, et qui joue, aveugle et comblé, entre les barrières du passé et de l'avenir. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors excusez-moi, mais je vais faire ma Patrick de Clercq, peut-être avec lui, mais c'est quand même bizarre ce texte. C'est-à-dire que... C'est faux. C'est-à-dire que quand Nietzsche nous dit « Oh, c'est formidable, les animaux sont complètement écervelés, n'ont aucune mémoire », quand il se met à admirer le troupeau, il faut trouver ça bizarre. C'est suspect, c'est ambivalent. Ce n'est pas possible que Nietzsche nous dise « Oh, soyons ces animaux qui ne se souviennent de rien ». Il est ambigu, non ? Je pense aussi qu'il est surtout complètement à côté et qu'il a tort. On sait que les animaux ont une mémoire, les mammifères ont une mémoire, les rats ont une mémoire. Ma chienne m'attend à la maison alors que nous sommes en train d'avoir cette conversation. Les animaux souffrent, ils ont des représentations, ils ont une vie mentale. Cela aussi, pour moi, pose véritablement... ça pose des problèmes sur 360 degrés, ce texte. Mm-hmm. C'est-à-dire à la fois... J'ai du mal à imaginer que je peux fantasmer être une vache, mais y trouver du plaisir sera plus compliqué. Surtout que derrière, il y a la boucherie. Mais en plus, ce qu'il dit de la vie non psychique, en quelque sorte, d'un animal, est faux du début jusqu'à la fin. Donc c'est un fantasme, en fait. On va dire ça, c'est un fantasme. Ce qu'il veut dire, c'est que se souvenir tout le temps... C'est juste trop douloureux, Yanis Constantinidis. C'est peut-être juste ça qu'il nous dit pour une fois Nietzsche. Oui, voilà, indépendamment de l'animal, hein, bon, on peut penser ce qu'on veut de la vie psychique de l'animal, mais Nietzsche dit, voilà, ce serait un soulagement pour l'hypermnésique de pouvoir enfin tout oublier. Voilà, mais il va pas véritablement tout oublier parce que ça c'est de la lobotomie. Mais voilà, ça serait un soulagement de plus être rivé au passé. Et je pense à un texte de Kleist, Heinrich von Kleist, le théâtre des marionnettes, où il dit exactement ça. Kleist dit, ben, l'innocence de la marionnette qui ne pense absolument à rien. Voilà, qui n'a aucune mémoire, aucune conscience, et donc qui est heureuse. Voilà, on a perdu cette innocence de l'enfant ou de l'animal fantasmé. C'est le fantasme de pouvoir retrouver cette non-pensée. Un instant au moins, de pouvoir se soulager de cet excès de mémoire. Patrick de Clercq. Je dirais 2-0. L'enfant n'est pas innocent. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est très bizarre ce texte. Je suis d'accord. Et donc là, on est vraiment dans un malaise pour moi profond. On peut imaginer la pureté de l'enfant. Voilà, c'est un fantasme. Tout très très bien. Sauf que c'est faux. Les fantasmes existent immédiatement chez le nourrisson, la mémoire est là. Enfin, je veux dire, rien ne marche dès le début avec Homo sapiens. Mais pas la mémoire consciente, pas la mémoire consciente, justement. Chez l'enfant jusqu'à 2, 3 ans. Oui, enfin, oui, pas totalement consciente, mais il y a des traces. Il y a des traces aussi physiologiques, probablement, des habitudes physiologiques. Et surtout, il y a de la souffrance aussi, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a de la souffrance. On pourrait croire, ou qui fait semblant de croire. Il y a du trauma, oui. Etc. Et les analysants, on aide les analysants à remonter dans le temps, fondamentalement. Pas parce qu'on est, on n'a pas quelconque passé à défendre, mais parce que dans le passé est la source et l'origine de leur identité, de ce qu'ils sont véritablement. Mmh. Donc, c'est pour ça que tout mon réflexe, je deviens nerveux quand on parle d'oubli et de parce que et c'est. Et pourtant, vous êtes Nietzsche, hein, ça prouve bien que vous êtes très honnête. C'est-à-dire qu'il y a certains points chez Nietzsche, en dépit de la passion que vous lui portez, où vous trouvez que ça ne va pas du tout. Oui, ou que ça ne va pas du tout, mais c'est un héros de la pensée j'admire particulièrement sa détestation profonde de toute espèce d'illusion, pour ne pas dire délire religieux. Alors, peut-être que Nietzsche tout simplement parle mal de ce qui nous soulagerait. Il fabrique des animaux qui ne pensent pas du tout, des enfants totalement innocents. Peut-être que tout ça, c'est juste une manière très maladroite de dire à quel point nous souffrons souvent de notre mémoire. Il le dit peut-être un peu mieux dans l'alinéa 3, cette fois, de la même deuxième considération inactuelle de 1874. Représentez-vous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d'oublier et serait condamné à voir en toute chose un devenir. Un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir. En véritable disciple d'Héraclite, il finirait par ne même plus oser lever un doigt. Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait contraint à se priver de sommeil, ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal. Mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m'expliquer encore plus simplement sur mon sujet, il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historien, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation. Ces deux extraits de Nietzsche que nous venons d'entendre vous sont lus par Riad Kera de l'équipe d'Avec Philosophie. Céline Dena, il est impossible, absolument impossible, dit Nietzsche, de vivre sans oubli. C'est ça qu'il veut nous dire en montrant les affres, les souffrances terribles de l'homme peut-être imaginaire qui n'oublierait jamais. Mais cet homme imaginaire, c'est une espèce de héros impossible et qu'il ne faut pas envier. L'homme du ressentiment qu'il déteste, c'est un homme qui oublie, en fait. C'est un homme qui choisit ce qu'il garde et qui se gratte avec une plaie, alors que l'homme qui nous est décrit là, qui serait assailli par une hypermnésie, est un homme qui ne se gratte pas, qui ne gratte pas la plaie, mais qui n'est qu'une plaie. C'est donc un peu différent de l'homme odieux du ressentiment. Oui, on a affaire ici, à mon sens en tout cas, à deux types de cas tout à fait différents. L'exemple de l'hypermnésique qui vient d'être évoqué et qui appartient effectivement au paragraphe 3 de la deuxième inactuelle, c'est l'exemple volontairement extrême de quelqu'un qui serait incapable de tout oubli. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de recontextualiser aussi l'exemple semi-fictif de l'animal qui lui oublierait tout. Et ça permet de voir justement que cet exemple de l'animal, qui je le rappelle au passage, hein, est en fait une paraphrase d'un poème. C'est-à-dire que ce n'est pas la position de Nietzsche qui est exposée au début du premier paragraphe. D'accord. Nietzsche paraphrase le poème magnifique, mais par ailleurs désespéré et désespérant de Leopardi, dans lequel effectivement Leopardi rappelle que les hommes, bien souvent, le berger errant de l'Asie qu'il décrit, aspirent à la position de l'animal parce qu'ils n'auraient plus à souffrir de cet oubli. Donc, entre ces deux textes, on a d'un côté l'exemple fictif d'une absence totale de mémoire, et à l'autre extrême, l'exemple également fictif aux yeux de Nietzsche, d'une mémoire totale, d'une mémoire absolue. Oui. Et ce que Nietzsche cherche à montrer, c'est que là où son époque tend à valoriser et même à survaloriser la question de la mémoire consciente, de la connaissance du passé et individuelle et de l'humanité, il faut sans doute trouver, je vais le dire assez simplement, quelque chose comme un juste milieu, ou en tout cas un degré qui se situe entre ces deux extrêmes, puisque l'oubli total dans le cas de l'homme n'est pas envisageable, n'est pas possible. Nietzsche le souligne également dans le texte. Un être humain aura forcément toujours un certain nombre de souvenirs. Il ne pourra pas devenir semblable à l'animal qui est évoqué au début du texte. Et en revanche, il ne doit pas non plus aspirer, comme selon lui, y aspirent en fait les hommes modernes, à devenir des mémoires absolues, en fait, qui connaîtraient tout du passé de l'humanité. Donc ici, effectivement, on est loin de la question du ressentiment qui, en fait, n'est pas vraiment thématisée comme telle en 1874. Il s'agit surtout de réfléchir la question, selon lui, fondamentale, dans la question de savoir, disons, comment bien vivre, oui, pour dire les choses simplement, du degré de mémoire et réciproquement du degré d'oubli qui est souhaitable pour le type d'homme que nous sommes. Mais c'est vrai que l'homme du ressentiment, bon, quand si on cherche des exemples littéraires, parfois on évoque le fonctionnaire dans une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelait longtemps L'esprit souterrain en 1864, qu'on a remise dans les carnets du sous-sol. Ce fonctionnaire a énormément de griefs, il les collectionne. Il a quelque chose d'hypermnésique aussi, dans cette façon de collectionner toutes les bonnes raisons de se sentir victime et de préparer ou d'espérer une vengeance un jour dans l'au-delà. Néanmoins, ce n'est pas lui l'hypermnésique. Il a des traits hypermnésiques, mais ce n'est pas, Yanis Constantidinès, la grande souffrance de l'hypermnésique. Oui, c'est pas un hypermnésique, l'homme du ressentiment, parce que sa mémoire est sélective. Il ne retient que ce qui lui nuit, en fait. Il ressasse sans arrêt ses échecs, les vexations qu'il a pu subir, etc. Effectivement, Nietzsche s'est inspiré de Dostoïevski, enfin on le voit directement, en reprenant d'ailleurs le terme ressentiment dans une traduction en français de Dostoïevski, de cette nouvelle de Dostoïevski. Donc l'homme du ressentiment, et Max Scheler écrira un livre là-dessus où il n'est pas tout à fait d'accord avec Nietzsche sur cet homme du ressentiment. Mais chez Nietzsche, en tout cas, l'homme du ressentiment, celui qui n'arrive pas à surmonter ce qui devrait surmonter, c'est-à-dire ce qui permettrait justement à la volonté de puissance d'être saine et ascendante. Oui. La capacité de surmonter en fait ce qui est le plus douloureux, le plus vexant pour soi, pour le transformer, hein, on parlait de digestion tout à l'heure, pour le transformer en quelque chose de positif. Et moi je dirais que effectivement le juste milieu entre l'amnésie et l'hypermnésie, c'est la digestion. Oui, c'est ce qu'il dit exactement, ces termes, dans la généalogie. On reviendra peut-être sur la mémoire du corps, mais il y a un fragment posthume fabuleux où Nietzsche dit il n'y a pas d'oubli organique, il y a de la digestion du vécu. Voilà. Mm-hmm. Ou bien le dyspeptique, voilà, du coup, l'homme du ressentiment, c'est le dyspeptique qui n'arrive pas à surmonter le réel. Est-ce que le psychanalyste que vous êtes, même si vous ne consultez plus maintenant Patrick de Clercq, est sensible à la souffrance de cette figure, peut-être plus imaginaire que réelle, je ne sais pas bien, je ne connais pas en détail ces maladies, la figure de l'hypermnésique, celui qui ne peut plus dormir, celui, nous allons en parler, j'aurai un exemple pour vous juste après, mais est-ce que c'est vous qui quand même, l'analyse est là pour nous faire nous ressouvenir, pour lutter quand même contre certains oublis qui sont de faux oublis parce qu'ils nous malmènent, en même temps, vous êtes d'accord, se souvenir de tout est impossible et n'est pas vivable. Bien sûr, ce n'est pas vivable, mais il ne faut pas être hypermnésique pour se confronter cliniquement à cette problématique. Une fonction d'être alcoolique, et Dieu sait que ce ne sont pas les alcooliques qui manquent, c'est d'arrêter la pensée et la mémoire. oui. d'affecter la mémoire. C'est-à-dire qu'on est, dans l'instant. On se renoie dans l'instant pour éviter la catastrophe autour, le souvenir autour, le souvenir des traumas, etc., etc. Je pense quand même que dans tous, j'écoutais vos diverses interventions, je pense que quand même que là-dedans, il parle d'Héraclite. Quand il parle d'Héraclite comme ça, j'entends Schopenhauer. Vous parlez de Nietzsche, là, qui parle d'Héraclite. Je parle de Nietzsche qui parle d'Héraclite. Enfin, oui. De nous aussi, enfin, de notre conversation. Je pense qu'il y a là, plus je lis, plus je suis là-dedans, plus je pense que Nietzsche essaye frénétiquement par tous les moyens de se sortir de ce que dit Schopenhauer. Il veut absolument une fraction d'espoir, une micro-sortie possible. Du désespoir schopenhauerien, c'est ça que vous dites. Oui, enfin, lui dirait désespoir, moi je dirais réaliste, oui, ça m'étonne pas. Prudent. Oui. Oui, d'accord. Alors, on va prendre un exemple d'hypermnésique très célèbre, je l'ai déjà évoqué, c'est Borges. Regardez, écoutez plutôt comment il parle de sa nouvelle sur Funès l'hypermnésique. Vous avez même écrit l'histoire d'un homme qui meurt parce qu'il se souvient de tout. Oui, cette histoire s'appelle Funes el Memorioso. Et toute cette histoire, c'est une espèce d'allégorie ou de longue métaphore de l'insomnie. C'est ça. Parce qu'à cette époque-là, je souffrais de l'insomnie, comme à présent. Maintenant, il me faut une heure, deux heures pour dormir. Mais à cette époque-là, je pouvais passer toute la nuit sans dormir et je me sentais j'étais très malheureux. Et alors j'ai pensé que je ne pouvais pas dormir parce que j'étais conscient de l'univers, pas de l'univers tout le monde, j'étais conscient de mon corps, de ma chambre, de la maison, du jardin, des alentours. Alors je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai pensé à un homme qui fut. Qui se rappelait tout, non? C'est ça, qui s'appelait tout. Oui, alors je construis ce monstre. C'était un extrait de TF1, Livres en fête, en mars 1979, où Jorge Luis Borges était interviewé à propos de sa nouvelle Funès, El Memorioso, Funès ou la mémoire, où un homme ne peut plus dormir tant il est assailli par ses souvenirs, si tant est que ce soit des souvenirs. On va réélaborer cette notion après. Yanis Constantidinès, c'est de cela, au fond, qu'en avance, Nietzsche parle, lorsqu'il évoque l'hypernésique que nous devons absolument éviter d'être. Nous devons retrouver la vertu de l'oubli qui fait un peu de ménage dans notre mémoire. Voilà, complètement. Alors, l'enfant n'est peut-être pas innocent, mais Nietzsche parle d'une seconde innocence dans l'Antéchrist, où il s'agit de retrouver cette légèreté de l'enfant. Alors, on trouve ça dans le Zarathoustra aussi, l'enfant qui rit de la fin du Zarathoustra. C'est-à-dire les métamorphoses de l'esprit où on passe du chameau qui est passif, qui est victime du passé. Le chameau est hypermnésique, si on peut dire, parce qu'il porte tout le poids du passé. On passe au lion qui rejette le passé, qui lui est amnésique, qui refuse... j'adapte cela à notre propos. Le lion, l'étape du lion de l'esprit, c'est le lion qui rejette le passé, mais qui rejette tout, du coup, et c'est le lion négateur. Et le troisième moment, c'est l'enfant, bizarrement, voyons, on rétrograde un peu à la manière de Platon dans le Politique, on rétrograde vers l'enfance. Et l'enfant, c'est lui, justement, qui représente cette synthèse. Il n'a pas tout oublié, hein, c'est justement l'enfant porte en lui le passé, mais le passé n'est plus écrasant. Dans la deuxième considération actuelle, Nietzsche dit d'ailleurs, à propos de l'abus de sens historique qu'on a vu dans la commémoration de la Révolution française, par exemple, voilà, il dit « prenez garde de ne pas être écrasé par des monuments, voilà, si vous êtes trop dépendant du passé ». Alors, je précise que nous parlons de Nietzsche ce matin, Nietzsche et l'oubli, dans le cadre d'une série sur les souvenirs. France Culture évoque ce thème volontiers dans ses émissions cette semaine et nous, dans Avec Philosophie, nous nous demandons comment les souvenirs se fabriquent. Je suis en compagnie de Patrick Declercq, de Yanis Constantidinès et de Céline Denat. Alors, tout à l'heure, Patrick Declercq, vous avez dit l'oubli, au fond, n'existe pas. Il y a toujours des traces, vouliez-vous, semble-t-il suggérer. Eh bien, on peut se demander si le souvenir aussi existe, en tout cas comme un truc, si j'ose dire, qui nous tomberait dessus, qui viendrait directement du passé. On peut se demander si le souvenir n'est pas toujours un processus qui part du présent, qui construit et qui reconstruit. C'est l'avis d'un psychanalyste et psychiatre, Simon Daniel Kipman, qui est aussi l'auteur d'un livre intitulé « Les vertus de l'oubli », livre très nietzschéen, paru chez Albin Michel en 2013. Et Simon Daniel Kipman est aussi un très bon connaisseur du travail de Wilfred Bion sur la pensée comme fonction dite alpha chez Bion, qui doit sans cesse réélaborer pour digérer, terme très nietzschéen, digérer ce qui nous est arrivé. On l'écoute. Le souvenir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment se constitue un souvenir ? Par la réunion d'une émotion et d'un événement, d'une image, d'un événement, disons. Il faut que les deux soient réunis. Si l'émotion est toute seule, on a un sentiment, soit de joie, soit de malaise, mais qui n'a aucun sens. S'il y a que l'image, on a des perceptions comme ça, on voit une image et qui n'a elle-même aucun sens. Donc il faut que les deux soient réunis. Et pour que les deux soient réunis, à ce moment-là, on se raconte l'histoire de ce souvenir. On se crée cette histoire qu'on se crée à ce moment-là précis, c'est-à-dire ici et maintenant, pour parler comme on parle en psychanalyse, c'est vraiment recréer les choses. C'est pas jamais comme ça qu'elles se sont passées. Donc le souvenir en tant que tel n'existe pas. Nous vivons dans une grande, dans un grand univers d'oubli, dans lequel flottent quelques réminiscences, quelques points d'appel, à partir desquels on va se constituer au fur et à mesure des souvenirs. C'était le psychiatre et psychanalyste Simon Daniel Kipman qui s'exprimait dans un podcast du côté de chez soi en janvier 2014. Qu'en pensez-vous, Patrick Declercq ? Est-ce que nous ne vivons pas dans une mythologie à dénoncer du souvenir comme ce machin qui vient du passé, qui s'empare de nous, alors qu'en réalité c'est une élaboration sollicitée par le présent ? Et évidemment, si on parle du passé comme ça, comme un truc qui nous arrive, sans sollicitation, alors on désire oublier radicalement. En réalité, l'oubli n'existe pas, mais le souvenir tel qu'il est décrit là n'existe pas non plus. Ce qui existe, c'est des processus de reconstruction du passé. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que cliniquement, je serais un peu plus prudent. Des abus sexuels des enfants, ça existe. Oui. C'est pas des souvenirs reconstruits. Des viols, ça existe. Ce ne sont pas des souvenirs reconstruits. Ce ne sont pas des fantasmes. Que sur ces éléments de réalité, avec ces éléments de réalité, il y ait ensuite des réactions très particulières de sujet qui varient de sujet à sujet, de la façon dont on va le vivre et se raconter qu'on l'a vécu et ensuite essayer de réussir ou de rater, de le métaboliser plus ou moins. Là, il se passe effectivement des tas de choses. Alors, il est vrai que si, en consultation, on a un vrai faux passé, oui, ce que va nous dire l'analysant, c'est un vrai faux passé. C'est-à-dire que en fait, tout est vrai en un sens, oui, mais ce n'est pas nécessairement une vérité objective que l'on peut assigner clairement à un calendrier précis. Tel jour, telle heure, etc. Non. Est-ce que vous avez eu des patients étonnamment amnésiques et dont votre travail était précisément de leur faire retrouver la mémoire traumatique qui, en fait, était là, hein, les encombrait terriblement, mais n'était pas consciente et même semblait vraiment morte. Je pense à deux histoires. Un patient qui était incapable de parler de son passé et parler de choses extrêmement objectif dans son présent, c'est-à-dire il cherchait un appartement, il avait des plans de cet appartement, c'était autant de mètres carrés, la fenêtre était là, la cuisine était là, etc. Donc il avait bien de la mémoire, hein, c'est ça que ça dit. Il fonctionnait très bien en temps réel, sauf que la question était de savoir qui était là, en quelque sorte. Mais indépendamment de pouvoir avoir ce discours extrêmement objectif, presque de l'instant, son passé restait évanescent pour lui et pour les autres. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire. Je pense, autre exemple, une femme adulte qui évoque une tentative incestueuse de part de son père, qui va la retrouver dans sa chambre, qui essaye de rentrer dans son lit, et elle raconte ça comme si c'était un souvenir infantile, une tentative d'agression sexuelle infantile, etc. Et en fait, je réalise, il y a une espèce de malaise, je pose une des questions, ça s'était déroulé entre 22 et 24 ans d'âge. Donc voilà. Elle l'avait placé dans un passé ancien. Elle le vivait comme si c'était un passé extrêmement ancien, infantile, alors que elle racontait une histoire qui était beaucoup beaucoup plus présente. Donc alors qu'est-ce que cette histoire cachait comme multitrauma préalable qu'elle avait plus ou moins refoulé, oublié, etc. de son enfance. C'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà ce qui lui restait de mémoire qui devenait presque absurde comme élément. Mais néanmoins, c'est sa réalité psychique. Céline Denat, quand on entend ce que nous dit là Patrick de Clercq, il est probable que sur les divans des analystes, il y ait toujours un mélange d'oubli et de souvenirs, des souvenirs écrans, comme disait Freud déjà, et des choses oubliées, des choses reprises, des choses qui arrivent. Alors, je sais bien, c'est le fantasme de Patrick de Clercq d'avoir eu un jour Nietzsche sur son divan, ça n'arrivera pas, je suis navrée pour vous, mais peut-être. Mais il vaut mieux pour Nietzsche, non, c'est pas grave. Mais peut-être que Nietzsche, là, est trop rapide. C'est-à-dire, il est peut-être lui-même dans une mythologie de l'oubli. L'oubli, il faut oublier, il en fait trop. Et de même, les souvenirs qui nous assaillent, c'est jamais comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, je pense qu'on peut peut-être dire deux choses. Premièrement, Nietzsche serait le premier à admettre que les souvenirs qui sont les nôtres ne sont jamais des reflets adéquats d'une réalité absolue. C'est-à-dire, les souvenirs en tant que mode de connaissance parmi d'autres, si j'ose dire, ne peuvent receler aux yeux de Nietzsche aucune vérité absolue. Pour reprendre une formule nietzschienne qui résume l'idée... la manière dont nous appréhendons les choses est toujours déterminée par ce que nous sommes et par nos besoins. De sorte que les faits, y compris les faits remémorés, sont toujours, entre guillemets, forgés. Ce qui ne veut pas dire inventés de toute pièce. Hein. Facta ficta, dit Nietzsche dans Aurore, oui. Plutôt. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a toujours de l'interprétation dans nos pensées, y compris dans nos souvenirs. Et donc, on pourrait très bien dire... dans un contexte nietzschéen, que ces souvenirs qui certes nous assaillent, peuvent nous faire souffrir, etc., sont quand même toujours le résultat de notre manière d'interpréter les choses. En fait, il n'y a pas de réalité absolue ou d'adéquation absolue de ces souvenirs. Et par ailleurs, une deuxième nuance qui en fait complique encore le propos, hein, je le dis franchement. Très bien, j'adore ça. Nietzsche le premier à admettre. En tout cas, il indique à différentes reprises qu'il y a sans doute une difficulté relative à cet éloge de l'oubli. Oui. Qui est, vous dit-il, dès le premier paragraphe de la deuxième inactuelle, qu'on ne peut pas apprendre à oublier, donc on ne peut pas décider d'apprendre à oublier. Oui, donc il est gonflé nous dire de le faire. De même que dans Aurore, il dit en une phrase... on ne peut pas oublier quand on veut oublier. Bien sûr, puisque là où je veux oublier, par définition, je me souviens de ce que je veux oublier et ça ne peut pas marcher. Toute la question demeure alors de savoir, et je ne vais pas prétendre la résoudre ici en quelques secondes, quel est le sens de cette manière d'exigence hein, oui. que Nietzsche semble quand même poser, de ne pas se souvenir de tout, de savoir choisir ce dont on se souvient. Ça ne peut clairement pas, en tout cas, être un choix qui serait un choix... libre, délibéré, conscient, puisque Nietzsche dit lui-même, on ne peut pas oublier quand on veut oublier, et je pense que toute victime d'un crime, d'une souffrance quelconque l'éprouve. Je voudrais oublier, mais je ne peux pas. Délicieuse ambivalence de Nietzsche, n'est-ce pas, Patrick de Clercq ? Oui, d'abord, vous avez tout à fait raison de dire ça. Il y a un autre problème qu'on n'a pas soulevé, c'est la question du choix et de la volonté. qui existe ou non. Mmh. Personnellement, j'ai les pires doutes. Je crois que Nietzsche les avait aussi, non ? Il y a quand même quelque chose qui se passe dans le corps qui, que nous ne maîtrisons pas. Oui, mais bon, il essaye d'avoir les deux côtés. Ouais. Mais bon, et ce que vous venez de dire vis-à-vis effectivement de ces de ce passé, c'est exactement la même chose qu'on entend aujourd'hui avec la résilience. C'est ce même discours. On ne peut pas choisir d'être résilient. C'est pas comme ça que ça marche, ça n'a pas de sens. On peut utiliser le terme cliniquement. Oui, qui n'est d'ailleurs pas de celui à qui on l'attribue toujours. Ça vient de chez John Bowlby. Bien, absolument. Qui précisément avait été analysé par John Rivière, très proche de Melanie Klein, qui a supervisé ses premiers travaux sur les orphelins en 1946. On est dans l'univers de la psychanalyse anglaise. Et là, avec la métaphore de la digestion, avec le problème de l'oubli. On est dans un monde qui est assez différent, me semble-t-il, de celui qui est le nôtre, quand on nous emploie à tort et à travers ce concept de résilience. À tort et à travers, et ça n'a aucun sens de dire ta dépression, ça ira comme ça, sois résilient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oublie, faire un petit effort, oublie, ça ira mieux, et on dégage. Allons-y. C'est faux. C'est un mythe de pseudo-normalité, et en plus c'est mortifère. Parce que ça renvoie le souffrant, ne disons pas le malade qui est déjà un terme obscène, le souffrant à sa bizarrerie, son incapacité, sa différence, etc. En bref, il est nul. Mais Nietzsche vaut mieux que ça quand même. Yanis Constantinides, cette histoire de résilience, alors peut-être qu'on peut aller chercher le concept dans sa difficulté, dans sa profondeur, dans son épaisseur, chez Bowlby par exemple. Mmh. Mais bon, sinon, il faut arrêter avec ce mot et en tout cas ne pas mélanger Nietzsche à tout ce cirque, non ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai des réticences par rapport à la résilience. Parlons plutôt de digestion réussie. Oui, c'est voilà, bien ça. Nietzsche, c'est très bionien. Nietzsche, voilà, Nietzsche dit... Enfin, c'est très psychanalyse anglaise, voilà. Oui. Nietzsche dit, en fait, il prend la métaphore de la digestion, de la vraie digestion, je dirais, parce qu'il fait un parallèle entre la digestion du corps. Il est un des premiers philosophes à avoir compris par avance, avant que soit prouvé toute l'importance de la digestion dans l'organisme. Hein. Il en parle déjà avec des termes qui seront prouvés scientifiquement 70 ans après. Et puis, il compare cela à la digestion psychique. Mmh. Nietzsche dit, il y a des morceaux trop coriaces, en fait, pour en venir à bout. Et donc, certains y renoncent, voilà. Et je pense que c'est important pour élargir ce débat de parler de la victimisation, parce qu'il y a une très belle critique chez Nietzsche de la victimisation. C'est le ressentiment, non ? De ceux qui veulent exciter la pitié, c'est dans Humain trop humain, et ceux qui Nietzsche ne parle pas de bénéfices secondaires encore comme Freud, mais l'idée est déjà chez lui, cette idée que on peut utiliser la pitié pour finalement comme arme, l'arme du faible contre le fort, et donc on veut susciter la compassion pour affaiblir la personne. Et Nietzsche vous dit, en fait, s'il y a un message individuel chez Nietzsche, une éthique individuelle, c'est de essayer de surmonter, malgré la difficulté des choses, pour certains qui ont moins de chances que d'autres, etc., dans la vie, mais essayer de surmonter cela plutôt que de gratter la plaie, de toujours revenir en arrière, de ne jamais surmonter finalement, et d'être soutenu finalement par des discours, voilà, un peu vagues sur la résilience ou sur... voilà, il faut accepter d'être une victime. Voilà. Ouais. L'histoire du deuil est aussi, Patrick Declercq, c'est encore un mot qui a quand même un sens très complexe chez Freud. Et en ce moment, il est employé pour tout et n'importe quoi. Il faut faire son deuil. C'est comme devenir résilient, quoi. Si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que t'es pas bon, quoi. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, et je rajoute que, pour moi, fondamentalement, je pense que Schopenhauer a raison et que Nietzsche veut s'opposer à travers tout à Schopenhauer. Schopenhauer, on peut jamais le faire, le deuil, c'est ça qui vous plaît ? Mais c'est pas qu'on peut pas, moi j'aimerais bien le faire, c'est pas de problème, mais et j'aimerais être jeune et beau, c'est raté aussi. Je crois qu'on ne peut pas faire le... En un sens, il n'y a pas vraiment de deuil possible. En tout cas, pas dans le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire, Héraclite, pour moi, a raison, au fond. On se baigne jamais dans le même fleuve. On se baigne pas dans le même fleuve. Le monde est une catastrophe. Nous ne contrôlons rien. Ah, mais vous dites que le fleuve est catastrophique. Comme vous y allez. Pour vous, Tout fout le camp, je veux dire, tout fout le camp. On peut gagner quelques instants, quelques minutes, quelques années même. Mais, fondamentalement, le mieux, en quelque sorte, ontologiquement, j'insiste, ontologiquement, n'existe pas. Céline Denat, finissons sur la question de l'histoire. Nietzsche avait une vraie réflexion sur l'histoire, vous avez écrit là-dessus. Il pensait qu'il fallait... Enfin, je présume que ce qu'il détestait, c'était les gens qui ressassaient des trucs, qui se les réinventaient, genre les Allemands ont un lien direct aux Grecs, ce sont les Grecs d'aujourd'hui. Ça, c'est de la mythologie, c'est du faux souvenir. Et de ce point de vue-là, il pensait qu'il fallait un peu oublier ce passé. Mais est-ce qu'il était vraiment pour l'oubli ? Est-ce qu'il n'était pas pour une certaine mémoire, quand même ? Oui, bien sûr. Alors, la première chose dont il se défiait, c'est cette survalorisation hein, qui advient très clairement, surtout dans la deuxième moitié du 19e, donc clairement à l'époque où Nietzsche écrit de la philosophie, cette survalorisation de la science historique. Cette idée que le plus important, ce serait de connaître le passé, tout le passé, dans ses moindres détails, etc. C'est avant tout ça, sa cible critique, en fait. Cette idée que cette survalorisation du savoir conscient à l'égard du passé comme tel, somme toute, constitue une entrave, ça nous détourne de la vie, ça nous détourne de l'action, ça nous détourne du souci de la recréation de l'avenir, etc. Ensuite, il peut y avoir aussi également une critique de la confusion entre histoire et mythologie. Oui. De fait, Nietzsche a son propre éloge des Grecs, mais qui n'implique nullement, comme le faisaient certains de ses contemporains, de dire que l'Allemagne était grecque, etc., et qu'ils ont une relation privilégiée. Ça, effectivement, pour Nietzsche, c'est de la mythologie. Mais le premier problème, à mon sens, aux yeux de Nietzsche, c'est ce qu'il désigne comme la maladie historique, hein. En fait, de l'homme moderne, c'est-à-dire cette survalorisation de la connaissance consciente du passé. Personne ne veut couper cette musique, c'était Diana Ross, Remember Me, 1971, où elle dit à l'autre, quitte-moi d'accord, mais Garde-moi bien sur l'estomac quand même, hein. Il y a un peu ça dans la chanson. Ça nous a donc beaucoup plu. Merci Yanis Constantinides, Patrick De Clercq, Céline Denat, vous avez été formidables pour éclairer la complexité du propos de Nietzsche concernant l'oubli. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. À présent, nous retrouvons Frédéric Worms. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi l'accueil est-il si difficile ? Il est devenu banal de se quereller sur la capacité ou non de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté à accueillir telle ou telle personne ou groupe de personnes qui demandent à s'y installer. La question de l'accueil devient ainsi un enjeu politique majeur. Et avec cette notion, nous touchons aussi à la dimension morale, la dimension qui nous culpabilise dans cette question de protéger les uns et les autres, de recevoir ceux qui sont en danger dans un endroit, ou au contraire de marquer des limites dans la capacité à accueillir justement les uns et les autres dans un territoire donné. La notion d'accueil nous fait peur en un certain sens parce qu'elle semble hyperbolique, elle semble chargée d'une dose morale presque inaccessible. Il faudrait non seulement protéger, donner asile, mais en plus accompagner de formules bienveillantes, de formules morales, d'une protection non seulement physique devant la mort imminente, mais aussi d'une parole de bienvenue. On dit toujours l'accueil. C'est aussi quand même un bon accueil contre un mauvais accueil. Il ne suffit pas d'avoir accès quelque part, d'être admis quelque part. Encore faut-il y être bien accueilli, y être désiré, y être souhaité. L'hospitalité, c'est aussi un peu de confort, un peu de chaleur humaine, des sourires, des mots, une conversation, une humanisation, une individualisation de l'accueil. On a à la fois tort et raison de penser ainsi la dimension morale de l'accueil. Cette dimension a quelque chose de premier, en effet, mais elle doit être soutenue par une politique juste de l'admission et une politique qui assure le minimum, qui assure l'asile, l'admission, la protection et qui régule aussi les critères de l'admission. Mais l'accueil doit rester premier. Nous le savons bien, par exemple, si nous allons dans un lieu de soins, dans un lieu hospitalier, nous savons qu'il va y avoir des procédures d'admission, mais nous souhaitons être aussi un peu accueillis individuellement. La question de l'accueil, la personne à l'accueil d'une institution a un rôle fondamental. C'est elle qui, avant la procédure et non pas après, c'est elle qui témoigne d'une individualisation et d'une hospitalité possible, d'une relation humaine, même si dans un système politique collectif, elle passe par des outils de régulation, par des lois et de répartition, par des principes de justice qu'il est capable d'expliquer et de justifier, qu'il est nécessaire de justifier à travers le langage, à travers des principes et à travers des lois. L'accueil a donc quelque chose de premier. Nous ne pouvons pas refuser l'admission à quelqu'un sans paradoxalement l'avoir d'abord accueilli, l'avoir d'abord recueilli et même accueilli individuellement, lui avoir fait la place de la compréhension individuelle, fût-ce ensuite pour le soumettre, comme nous tous, aux procédures d'admission et de répartition. L'accueil a quelque chose donc de premier et les philosophes de l'hospitalité, comme principe premier, ont bien raison de le penser comme tel. L'accueil, encore une fois, vient peut-être même avant l'accès et avant l'admission. Mais on doit aussi mesurer comment cette priorité morale de l'accueil personnalisé, rencontre un obstacle anthropologique, quelque chose qui fait qu'en effet, en nous, quelque chose résiste à l'accueil de l'étranger, à cette individualisation de l'autre. Nous pouvons aussi mal accueillir, nous pouvons être méchants, nous pouvons refuser l'accès, même si cela est possible matériellement et juridiquement. Il faut analyser cette résistance morale à l'accueil, pour comprendre pourquoi l'accueil, quoique difficile, doit garder quelque chose de premier, de prioritaire. Sans l'accueil, rien ne peut se faire. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Merci Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.